Bonjour, Solo Baobab. Soyez tous bénis ce jour. Quelqu'un m'a posé la question comment contacter son totem. Retenez d'abord que le totem, hein, il faut d'abord connaître quel est votre totem. Et pour le connaître, il faut connaître votre histoire. Votre histoire, connaître son histoire veut dire que vous devez connaître votre ethnie. Au sein de chaque ethnie, au sein de chaque groupe ethnique chez nous en Afrique, il y a ce qu'on appelle le clan. Et au sein de ce clan, il y a ce qu'on appelle la tribu. Maintenant, au sein de chaque tribu, il y a ce qu'on appelle le totem. Voyez-vous? Donc, ça, c'est très important de connaître. L'homme noir doit connaître ses origines. Et justement, au cours de notre séminaire, je vais faire un brassage là-dessus. Qu'il est très important que nous, en tant qu'hommes noirs, nous avons une composante quaternaire. Du point de vue, comment dirais-je, existentiel. En tant qu'Africain noir, hein? En tant qu'Africain, on peut être blanc ou noir, c'est pareil. Parce que ce que je vous dis reste valable en Afrique du Nord, donc en Égypte, en Algérie, en Tunisie, en Algérie, en descendant jusqu'en Afrique du Sud, en passant par la Rhodésie et tout ça. Donc retenez cela. Je reprends l'échelle. Vous, Johan, vous êtes Africain. Maintenant, en tant qu'Africain, vous êtes venu sur cette terre à travers deux êtres, votre mère et votre père. Votre mère donc appartient à un groupe ethnique. Je vous donne un exemple. Si elle est par exemple Fang, ça c'est un groupe ethnique du Gabon. Et parle la langue Fang. Maintenant, dans ce groupe Fang, l'ethnie Fang, dans l'ethnie Fang, elle appartient à un clan bien précis. Elle appartient également à une tribu bien précise. Parce que les Fang, nous avons plusieurs types. Il y a les Fang qu'on appelle les Ntoumou. Voyez-vous? C'est un clan ethnique Fang. Il y a les Ntoumou. Il y a les Wondo au niveau du Cameroun. Les Ntoumou, on les trouve également au Gabon et on les trouve dans la zone de la Guinée équatoriale. Voyez-vous? Ça, c'est le groupe ethnique Fang. Donc, le groupe ethnique Fang, ils ont le clan, ils ont leur tribu. Et on parle de l'ethnie, clan, tribu. Ensuite, quatrièmement, le totem. Ça, c'est du côté de votre mère. Si votre père est Pounou, c'est pareil. Du côté du père, il a son clan. Il a son, comment dirais-je, en dehors du clan, disais-je, sa tribu, et il a un totem. Voyez-vous? Donc ça, c'est des informations très, très importantes que vous devez avoir auprès de vos parents. Parce que vous ne pouvez pas contacter votre totem n'importe comment. Je vous donne mon exemple. Aralikewa, Maringé. Ça, c'est le clan du côté de mon père, Galois. Maintenant, notre totem à nous, c'est le perroquet. Voilà, ça c'est le totem du côté de mon père, le perroquet. Que je puise de son côté maternel. Parce que le pouvoir gabonais, il faut le connaître chez nous. Au Gabon, le pouvoir est beaucoup plus matriarcal. Voilà pourquoi quand vous allez vous marier, souvent, les enfants restent chez la femme. Même chez les, regardez, même dans les pays des Blancs, on donne toujours l'autorité à la femme. Mais moi, j'ai étudié le peuple irlandais, the Irish people. C'est ce qu'ils font. J'ai observé cette tradition auprès des Irlandais. Les enfants restent toujours avec la mère. C'est un combat très dur qu'on pourrait attribuer ces enfants-là au père. Donc le pouvoir matriarcal a été un pouvoir qui a été toujours depuis la nuit des temps existé. Il a toujours existé. Bref, donc, avant de contacter votre totem, il faut d'abord connaître votre histoire. Connaître son histoire veut dire connaître votre groupe ethnique, connaître votre groupe ethnique à partir de quel clan vous descendez ou tribu. Et une fois que vous avez identifié votre clan ou la tribu, vous cherchez donc l'histoire de votre tribu ou de votre clan, surtout le clan, voulais-je dire. Le clan Ralikewa, comment ils ont fait pour venir au Gabon? Moi, je connais l'histoire. Comment, depuis l'origine des temps, ils sont ce qu'ils sont? Pourquoi sont-ils des bons parleurs? Pourquoi sont-ils généralement les Okambi? Pourquoi sont-ils des Okambi, c'est-à-dire des parlementaires, des hommes qui savent parler, qui maîtrisent le verbe? Pourquoi? Eh bien, on nous dira que parce qu'ils descendent du perroquet. Mais le perroquet, vous avez dû remarquer l'une de mes photos ici, le perroquet, dans toutes les langues, tribus du monde entier, le perroquet vert que vous avez vu sur mes photos, c'est un perroquet qui vient du Brésil. Le Brésil, le Gabon, le Congo, je vous informe, il y a de cela près de 20 000, 25 000 ans, formaient un seul continent. Enfin, toute la planète formait en fait un seul continent au lieu de 5 ou 6 comme nous le constatons aujourd'hui. Mais il y a eu éclatement. Bref, donc toutes les espèces qui vivent là-bas, on retrouve les mêmes tribus au Brésil. J'ai été moi-même à Brasilia et de Brasilia, je suis rentré même à l'intérieur des forêts amazoniques et de l'Amazon autant pour moi. Et j'ai discuté avec certains amis quand je leur parle des tribus et j'ai constaté que l'un des mecs avait un totem du perroquet sur sa poitrine et sur son visage. Et j'ai demandé, mais c'est quoi? Et c'est comme ça qu'il m'expliquera l'origine, comment ils sont venus. Donc, Johan, c'est très important de connaître ton totem d'abord. Du côté de ma mère, de la mère à ma mère, Sakmenou, le totem c'est la panthère noire. Mais la même panthère, moi je la retrouve chez ma grand-mère Sake Benga et également son beau-frère Mbombo Matin qui était Kota de Mekambo. Je retrouve la même panthère noire. Quelle coïncidence! Et à l'âge de 18 ans, quand on me circoncis par le rite Kota dans la grande forêt de Mekambo, mais c'est le rite de la panthère noire. Je rentre, on me circoncis en présence d'une panthère noire. On me fait faire le rite de faire sauter sur les arbres et tout. Je préfère garder la discrétion. On m'a toujours interdit de rentrer dans les détails. Donc, dans le rite Kota de Mungala Bencho, c'est une forme de njobi qu'on retrouve dans le Gwelolo et le Gwelolo et l'autre Gwe. Lorsqu'on m'a circoncis, je me rends compte qu'on m'a maquillé. Le maquillage qu'on a mis sur mon corps depuis le front jusqu'à la base des pieds durant ma circoncision, c'était Ngoy Ngasinga. Ngoy Ngasinga. Ça, c'est la panthère noire. C'est une tribu, un clan du côté de Kota, mes arrière-grands-parents. Donc, ma grand-mère, Sandia, qui était à la fois Benga, Sake, qui épouse un Kota, mais les deux, par coïncidence, se retrouvent avec le même totem. Voilà pourquoi vous verrez que nos mariages, jusqu'à nos jours, se font toujours entre tribus. Parce que, si vous connaissez bien l'histoire de votre tribu, et c'est la même tribu que votre épouse. Voilà. Moi, ma mère, avant de mourir, j'aurais dû écouter ses conseils. Je n'aurais pas dû connaître de difficultés, peut-être, dans ma vie maritale. Parce qu'elle m'avait dit non. Voici la famille qu'il te faut. Parce que cette famille-là, on est de la même tribu. On est de la même tribu, on descend tous du même village. On est venus tous de Ndolou. Et de Ndolou, on est passé par l'Ambaréné. Goufougou Mnendoloua. Et là, on est passé par là, on s'est attaché avec les Gallois. Voilà pourquoi, quand vous lisez l'histoire du peuple Gissir et les Gallois, on dit qu'ils étaient un. Mais qu'est-ce qui entraîna le premier mariage entre le Gallois et le Gissir? Voilà ce genre d'informations que vous devez connaître. Donc du coup, même du côté de ma mère, je retrouve la panthère, disais-je. Alors, la panthère noire, c'est le symbole, c'est le totem du côté de ma mère. Et le perroquet, c'est le symbole du côté de mon père. Voyez-vous? Et maintenant, quand j'ai été initié dans le rite secret des Gallois, que je ne veux pas donner le nom, eh bien, c'est le perroquet. Nos frères du Bouiti, tous les initiés du Bouiti peuvent savoir pourquoi on a toujours mis sur la tête de l'initié du Bouiti le perroquet. Il y a un sens. Et tous ceux qui sont à Ralikewa, à Momba de Ralikewa, ou bien tous ceux qui sont de ce clan-là, du perroquet, vérifiez bien l'histoire. Hein. Le prince Birinda, qui était ici, allez-y vérifier son clan. C'était le clan du perroquet. La plupart des grands initiateurs de Bouété au Gabon, la majorité, leur clan c'est le perroquet. Leur totem c'est le perroquet. Donc, voilà comment le perroquet est rentré. Le totem du perroquet ne peut jamais manquer dans les outils ou l'arsenal du Bouiti, du Bouitiste. Tout comme la civesse qu'on appelle Musingi, c'est une signification. Donc, bref, je suis allé trop loin, pardonnez-moi. Il faut retenir que, une fois vous connaissez votre totem, et je ne vous ai pas dit que le perroquet, je ne suis pas surpris pourquoi aujourd'hui, je fais ce que je fais. Le boulot que je fais, en tant que psychothérapeute, j'aide les patients, et je vous informe que je n'ai pas un doctorat. Mais même les docteurs sont surpris. Mais quel est ce don? Comment j'arrive à maîtriser la connaissance, à aider ces mecs-là à réintégrer la société? Je leur donne des conseils psychologiques. C'est vrai, j'ai un diplôme en psychologie. Mais au-delà de cela, je suis d'abord du clan du perroquet. Le perroquet, c'est le symbole de la communication, de la connaissance, de la sagesse et du pouvoir mystique, capable de sonder les esprits des gens, de rentrer dans les esprits des gens. Vous mettez un perroquet, accordez-lui 6 mois. Il reste dans le silence total. Il reste dans le silence. Il vous écoute. Il étudie les comportements des gens, les mots que vous sortez, tout. Mais vous serez surpris que 6 mois plus tard, il va commencer à répéter ce que vous avez dit. Vous savez de quoi je parle. Que ce soit le perroquet vert, que ce soit le perroquet gris du Gabon. On l'appelle vert au Gabon, mais c'est vert foncé ou vert olive. Mais vert pur qu'on trouve aussi au Brésil. Toute forme de perroquet, c'est comme ça qu'ils font. Aujourd'hui, je maîtrise la communication. Je fais des petites conférences à gauche, à droite. Et là, je vais venir faire un séminaire. Vous ne pouvez pas être un conférencier ou un séminariste si vous ne maîtrisez pas la communication ou la connaissance. Donc ça, j'hérite cela de mon totem, le perroquet. Mais j'ai le totem du perroquet également. Avant que je rentre en phase de communication, je contacte mon clan. Depuis l'âge de 7 ans, j'ai un cousin, Big Man Avila Big Man. Un cousin. Lui, il a fait les arts martiaux, il est rentré au Gabon, je ne sais pas, il était au Japon, quoi, 5e dan. Je n'avais que 7 ans. Il commence déjà à m'initier. Dès l'âge de 9-10 ans, je rencontre le Yajano à Kendenge. 12-13 ans, je suis au lycée technique. 12-13 ans, je n'étais pas encore lycée technique, pardonnez-moi. J'ai continué avec le maître Nangema. Et à l'âge de 14-15 ans, quand je suis au lycée technique, j'ai continué avec le maître Mobamba Mukanyi Mweka, que Dieu ait son âme, Mapangu Mukanyi Mweza, et le maître Christian Mubamba. Et jusqu'aujourd'hui, je suis toujours sur la voie des arts martiaux. Mais quand j'examine très bien, mais parce que je suis du clan de Ngoi Ngasinga, demandez à un quota qu'est-ce que ça veut dire Ngoi Ngasinga. Le Ngoi, c'est la panthère. Mais la panthère noire symbolise quoi? La panthère noire symbolise l'agression, la force, l'esprit du combat. Ah oui, allez-y dans nos forêts gabonaises. La panthère noire ne blague pas. La nuit, vous ne pouvez pas la voir. Elle est déguisée. Vous voyez seulement les yeux qui brillent. Parce qu'elle confond son ennemi. Son ennemi arrive là, il ne voit que les yeux qui brillent dans le noir. Même le lion ne peut pas le voir. Mais que les yeux qui cliquent. Il est difficile de l'attraper dans la nuit. Voilà pourquoi il fait la chasse que la nuit. Donc, la panthère noire symbolise la force. Alors, du coup, je me suis dit, tiens. Mais il n'y a pas une coïncidence dans ma vie. Les autres qui ont commencé avec moi, mes cousins, ils ont abandonné les histoires des arts martiaux. Mais moi, je suis toujours là. Quand je finirai le séminaire avec vous, là, je vous avais dit, dès que je retourne, là, je serai en Chine. J'ai un grand stage là-bas que je dois participer, un stage des arts martiaux. Donc, vous voyez, j'ai les arts martiaux dans le sang, mais c'est à cause du clan, à cause de mon totem de la panthère, Ngoï. J'ai le don de communiquer, de faire des conférences, des séminaires à travers le monde, mais c'est à cause de mon totem, le perroquet. Donc, vous comprenez du coup que les connaissants, mais tranquille, moi je les contacte à chaque fois. À l'époque, avant de commencer un combat de karaté, mais je rentrais en communion avec mon totem de la panthère Ngoï. J'avais un petit totem avec moi toujours. Et je l'ai jusqu'aujourd'hui. Les mecs me trouvaient de brutal, de trop violent. Parce que ils pensaient que j'étais possédé par des forces étranges. Mais c'est Ngoï, la panthère, qui est en moi. Mais regardez autour du cou de certains initiés. Ils portent quoi? Les griffes d'une certaine bête. T'es à moi encore. Je ne vais pas rentrer trop loin. Alors, vous voyez, Johan, votre question a été très profonde. Donc, du coup, vous ne pouvez pas contacter votre totem si vous ne connaissez pas votre histoire. Partant de votre groupe ethnique, de votre tribu, de votre clan, de votre histoire en émo. Et je vous informe que du côté de votre mère, vous devez connaître 4. Je pourrais dire 8. Parce que la mère est le père de votre mère. Du côté du père, vous devez connaître 8 également. Voilà pourquoi quand on fait le rite des ancêtres, vous devez invoquer tous ces 16, j'ai dit bien, 16 tribus ou clans dans votre lignée ancestrale. Et lisez bien le livre de Matthieu, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 17. Vous verrez que le chiffre 6 apparaît. Oui, 46, le nombre de tribus qu'il y a eu depuis Adam jusqu'à celui que vous appelez Jésus là, le Jésus des chrétiens. 46 tribus ou 46 clans. Et voilà, au Gabon, je vous parle de l'affaire de mon pays, le Gabon, et je vous parle de l'affaire du Congo parce que j'ai été dans ces pays. Au Congo, au Cameroun, c'est pareil. Tous les pays bantous, on en a 16, du côté de la mère 8, du côté du père 8. Et vous devez tous les convoquer. Et vous devez connaître au minimum 2 ou 3, 4 totems. Vous devez connaître. Donc, Johan, voyez, la question que vous avez posée, elle est profonde. Voilà, pour répondre à votre question, avant de contacter votre totem, il faut le connaître. Quel est votre totem? Est-ce que c'est le chacal? Est-ce que c'est l'hippopotame? Est-ce que c'est le nzibo? Le gorille? Est-ce que c'est le Njoku? Et vous avez constaté que dans mon Kumbo, j'ai toujours dit Nkombo Yonoubie, Ekitare Boranchande, Ekwe Popopopopo, Kadam Gochengo, Swandembe, Yengo, Njoku Mutate, Kondanjoku. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Njoku, l'éléphant, Njoku Mutate. Ça s'en vient, en vieux Tchogo. Parce qu'on retrouve le Tchogo, le mythe. Le Tchogo, on retrouve ça dans toutes les langues, même dans le Kui. Chez nous, les Galo, on retrouve ça. Quand on te parle de Mboka Nene, Mboka, mais c'est le village, le temple. Nene, le grand. Goutouba, Touba. Mupindi, Opindi, Mikanda Gompindi, mais le Tchogo te dira, Pindi, Pindi, le petit village, le campement. Voyez-vous, au commencement était le Tchogo, mais voilà pourquoi on vous dit que le premier Tchogo, le premier Bouéti est arrivé par le monsieur, mais le Tchogo, c'est vrai, le pygmé, mais les pygmés, les premiers pygmés parlaient le Tchogo. Bon, pardon, je ne vais pas aller trop loin là-bas, oh, pardonnez-moi. Je suis trop emporté là-même, malgré le fait que je conduise à 140 km à l'heure. Je peux même oublier le volant. Ah, Johan, mais tu m'as provoqué hein, avec cette question-là. Ah, Johan. Johan, Johan, retiens bien que la disparition de notre galaxie, ce n'est pas un premier fait dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas un premier fait dans l'histoire de l'évolution des galaxies. Nous en avons eu des milliers et des milliards de milliards de galaxies. Notre galaxie composée seulement de 12 Terres vous inquiète parce qu'elle va disparaître si peu. Mais attention, cette disparition, elle est évolutive. Parce que quand vous voyez bien, dans le cas par exemple de la planète Terre, il nous est dit que dans notre système solaire dont la Terre fait partie, qu'il est près de 4,5, 4,9 précisément, autour, arrondissons à 5 milliards d'années. Il est dit que dans 5 milliards, ou peut-être moins de 4 milliards d'années, notre planète Terre risque d'être absorbée et disparaître. Mais ce n'est pas la première fois de l'histoire, Johan. Hein? Voilà où la notion où je partage l'avis de Charles Darwin, non pas l'évolution des espèces, mais l'évolution de la vie, elle est constante. OK? Si il n'y a plus vie au niveau de la planète Terre, il y aura vie dans d'autres planètes. Et là, je ne parle que de la planète Terre seulement, mais vous me parlez de la disparition de la galaxie, notre galaxie composée de près de 12 planètes. Si cette galaxie qui est composée de 12 planètes disparaît, il y a d'autres galaxies qui sont composées de dizaines, voire des centaines comment dirais-je, des planètes dans d'autres univers. Donc, notre évolution de la conscience, justement, le but de l'éveil de votre conscience, c'est pour vous permettre justement de vous habituer déjà à maîtriser hors de votre corps physique, hors de votre planète, pour prouver aux gens, comme les écrits sacrés le disent, les écrits sacrés disent que et Dieu, les dieux donnèrent, ou Dieu donna toute autorité et tout pouvoir à l'homme et toute soumission, afin que tous les univers soient soumis à la volonté de l'homme. Mais que cette soumission, elle est possible par la maîtrise de tous ces milieux, la maîtrise de toutes les galaxies, en commençant par notre propre galaxie. Donc, par conséquent, si cette galaxie disparaît dans l'espace et le temps, il y en a d'autres galaxies où la vie, elle est bel et bien préparée. Il y a des conditions de vie meilleures que cette planète Terre dont vous commencez à vous plaindre. Donc, si notre galaxie disparaît, rassurez-vous, il y a d'autres galaxies où la vie est mieux préparée pour nous. Parce que nous sommes sur Terre, c'est juste une école. Nous sommes venus sur cette Terre pour un voyage. Nous ne sommes pas venus pour y rester. Mais malheureusement, quand on parle de l'éveil de la conscience, mais parce que l'homme en a abusé de l'utilisation de cette planète, parce que l'homme en a abusé de l'usage de notre système solaire, de l'usage de notre galaxie, ils y vont proposer des bombes, ils y vont proposer des fusées, ils y vont proposer des satellites pour espionner les richesses qu'il y a au Gabon, pour espionner les richesses qu'il y a au Congo, pour mieux nous piétiner, pour mieux nous faire du mal. Il n'y a aucune intention positive et bonne dans cette exploitation de la galaxie. Et vous pensez que les dieux seront d'accord de constater que cela doit continuer ainsi et que des hommes et des femmes comme vous et moi, innocents que nous soyons, qui sommes soucieux de la transmission de l'amour et de la sagesse divine de Teta Mwanga, nous allons continuer à souffrir? Non, pas du tout. Donc voilà pourquoi il est dans le devoir, il est du devoir des maîtres, il est du devoir des dieux de faire disparaître cette galaxie. Mais rassurez-vous que ça ne va pas se faire dans 1 000 ans. Rassurez-vous que ça ne va pas se faire dans 100 000 ans. C'est une affaire de milliards d'années. Mais bien sûr qu'il y aura une désintégration progressive. Parce que d'ici l'an 2050, il est prévu de grandes bousculades sur la planète Terre. Alors je vous parle, l'état de l'Ohio que je connais quand même il y a plus de 15 ans, aujourd'hui la neige, à cette date l'année, il devait y avoir de la neige. Il n'y a pas eu de neige. Donc, à cause du phénomène nordique, les glaciers sont en train d'effondrer n'importe comment. À cause des manipulations des humains, ils détruisent tout ce qui contribue à l'équilibre de la vie. La triosphère, qui est la protection, comment dirais-je, matrix ou matrixale de notre univers, c'est-à-dire y compris les autres planètes, cette triosphère a été malheureusement détruite par les manipulations de la main de l'homme. Ces manipulations sont les effets de serre. Ces manipulations, ces effets de serre, c'est quoi? C'est le gaz qui brûle. C'est les forêts qu'on brûle. C'est des puits de pétrolier à gauche, à droite, le gaz qu'on brûle. Et tout cela a entraîné malheureusement la destruction de notre thiosphère qui protège notre planète Terre et bien d'autres. Imaginez-vous. Voilà pourquoi il est important que vous persistiez dans votre évolution. Vous ne devez pas vous décourager. Vous ne devez pas. Je ne veux pas entendre le langage de quelqu'un ici sur Obaba pour dire « Oh, tout aura été fait en vain, puisque tout va disparaître. » Non, arrêtez de parler comme ça. Nous devons continuer à nous battre pour l'évolution de l'élève et la conscience. Nous devons nous battre pour améliorer nos conduites. Nous devons nous battre pour améliorer, afin que nos esprits soient plus prêts. Et que nos âmes soient prêtes à quitter cette terre et aller dans d'autres planètes où la vie est mieux préparée par les maîtres. Teta Mwanga, le Dieu des mystères. Les voies sont impénétrables. Il réserve des bonnes surprises pour vous. Ne vous inquiétez point pour la disparition. Contribuons plutôt pour la préservation de cette galaxie. Car la majorité, malheureusement, comme je l'ai dit dans l'enseignement d'hier, que la plupart des humains, ils se concentrent qu'à faire le mal. La plupart des humains, ils se concentrent qu'à leur propre égoïsme, au sexe, à l'argent, au pouvoir médiocre, à la politique, et tout ça pour piétiner les autres et pour rendre l'autre homme malheureux. Prophète, pas le prophète, le roi Salomon ne dira-t-il pas dans le livre des Proverbes que l'homme domine son propre frère pour le rendre malheureux, il ne le domine pas pour le rendre heureux. Or le Créateur dans le livre de Jérémie ne dit-il pas « J'ai créé l'homme pour un plan de bonheur et non un plan de malheur. Je vous ai créé pour être heureux. Je vous ai créé pour que cette terre soit solidement établie, selon le prophète Esaïe, afin que vous y viviez éternellement. » Psaume 37, 25, ne le dit-il point? Et bien d'autres écrits sacrés, et même dans le Coran de Al-Mustrafat, que Allah Akbar a créé l'homme pour qu'il puisse jouir de la vie éternelle sur cette terre. Et cette terre ne sera point pliée comme une natte ou détruite par l'homme. Car la volonté d'Allah Akbar, c'est de voir l'homme vivre dans l'éternité. Je ne sais pas. Ne soyez pas effrayés par les messages des scientifiques qui viennent vous dire que la galaxie va disparaître. Parce que la volonté de Teta Mwanga, Allah Akbar, le Dieu suprême, c'est de préserver la vie. Il la préservera. Et il fera tout pour s'en débarrasser des tiques. Il en fera tout selon le psaume 37, verset 25. Les justes vivront sur cette terre. Les justes mériteront l'éternité sur terre. Mais par contre, les méchants, tous ceux qui font le mal, les hommes politiques, les politiciens, les bâtards, les maltraiteurs, tous ces mecs-là doivent disparaître. Et déclare la même version écrite par le psalmiste David. Et encore un peu de temps, tu ne verras plus le méchant. Il aura disparu. Parce que le lion habitera désormais avec le chien. Parce que désormais la panthère habitera désormais avec le cabri. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, le comportement des hommes que nous voyons dans ce nouvel ordre mondial, non pas l'ordre mondial décrit par les histoires de Baluminati. Non, l'ordre mondial veut dire lorsque le changement va s'opérer d'abord à l'intérieur de tout un chacun par notre éveil de la conscience. L'ère messianique que nous attendons tant. L'ère du Christ, ou le retour du Christ que parlent les chrétiens. Est-ce qu'ils comprennent même ce que ça veut dire, l'ère du Christ? Ils patauchent dans le péché, ils patauchent dans la mélancolie, ils patauchent dans la torture psychologique des autres. Ils participent à faire souffrir des populations au sein des États et tout ça là. Alors que c'est la majorité des humains sur terre, ils adorent Dieu. Et c'est le même Dieu qui dit qu'il faut vivre heureux avec l'autre. Que Teta Mwanga, Ibanga Banga vous bénisse.